Je peux continuer le dépassement si je vais à Châlons. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Mâcon. Oui, réponse C. Non, réponse D.